Troisième partie, chapitre 1er, Timon de Londres. Timon d'Athènes, quittant un monde ingrat, s'était retiré dans une grotte au bord de la mer. Timon de Londres, fuyant ses semblables, dans une maison isolée du côté de Bayswater. Timon d'Athènes épanchait sa misanthropie en vers magnifiques. Timon de Londres manifestait ses sentiments en vile prose. En s'adressant à Timon d'Athènes, on lui disait humblement « Monseigneur ». En parlant à Timon de Londres, on n'employait que la formule beaucoup plus simple de « Monsieur Treverton ». À tant de contraste, on ne pouvait guère opposer qu'un seul point de ressemblance, et c'était celui-ci. La misanthropie des deux Timons était également sincère. Tous deux haïssaient leurs semblables d'une haine incorrigible. Le caractère d'Andrew Treverton avait, dès l'enfance, offert ses reliefs et ses lacunes contradictoires, ce mélange incompréhensible de bien et de mal, que, dans son langage indifférent et sans précision, le monde qualifie dédaigneusement d'excentricité. On a défini l'homme un animal imitatif, et l'exactitude de cette définition se trouve surtout justifiée par la condamnation que ne manque jamais d'encourir tout membre de l'espèce assez hardi pour être lui-même et ne ressembler à personne autre. L'homme est partie intégrante d'un vaste troupeau. Malheur à lui si sa laine n'est pas de la couleur ordinaire. Il lui faut boire quand le reste boit, partir quand le reste part. Ses semblables venant à s'effrayer devant un chien et à décamper du pied droit, il faut qu'il s'effraie aussi et décampe de même du pied droit, non de l'autre. Si par hasard il n'a pas peur, ou si, prenant la fuite, il se permet une autre allure, il demeure démontré, dans l'opinion, qu'en lui quelque chose cloche et demande à être réformé. Qu'un homme en plein midi s'avise de parcourir Oxford Street dans toute sa longueur, le plus tranquillement et le plus décemment du monde, sans le moindre égarement dans les yeux, la moindre irrégularité dans l'attitude et les gestes, mais sans son chapeau. Et allez-vous en demander ce qu'il pense de cet homme aux milliers de passants que vous rencontrez, le chef couvert de feutres? Combien d'entre eux, séparément interrogés, hésiteront à déclarer sur l'heure que ce promeneur est fou, et cela sans autre preuve que le témoignage de sa tête nue? Il y a plus. Que cet homme aborde poliment un à un chaque passant, que dans les termes les plus simples et les plus nets, il leur explique ce qui, dans sa conduite, les étonne ainsi. Que son chapeau le gênait, qu'il se sent la tête plus libre quand il est décoiffé. Combien de ses semblables, si prompts à le déclarer fou de prime abord, consentiront à changer d'avis après l'avoir entendu déduire ses motifs? Pour l'immense majorité, l'explication sérieusement donnée ne sera qu'un supplément de preuve, une excellente confirmation du verdict porté contre l'intelligence de l'homme sans chapeau. Parti du mauvais pied, dès le début, avec le reste de ses contemporains, Andrew Treverton ne fut pas longtemps à subir la peine de cette irrégularité d'allure qui faisait tort à la marche de la colonne. Il passa pour une espèce de phénomène dans la nurserie. À l'école, il fut un souffre-douleur. Au collège, une victime. L'ignorante bonne l'avait déclaré un drôle d'enfant. Le pédant subalterne, usant d'une locution plus relevée, le traita de garçon excentrique. Le professeur érudit, variant à son tour le même texte, comparait la tête d'Andrew à un toit, et déclarait qu'il y avait là maintes ardoises tenant à peine. Quand une ardoise ne tient pas, si personne ne la fixe au poste qu'elle doit occuper, infailliblement elle finit par tomber. Dans le toit d'une maison, ceci nous paraît être la conséquence directe et nécessaire d'une négligence facile à comprendre. Si c'est le toit d'une cervelle humaine, nous voilà fort étonnés et fort choqués, ne sachant à qui la faute. Délaissés à certains égards, mal dirigés à certains autres, les bons instincts encore bruts qui auraient pu se développer chez Andrew luttèrent vainement pour arriver à une organisation définitive. Ce que son excentricité mit de meilleur prit la forme de l'amitié. Sans trop savoir pourquoi, il s'attacha passionnément à un de ses camarades d'école, un garçon qui dans la cour ne lui accordait pas beaucoup d'égards et dans la classe ne se fatiguait point à l'aider. Sans que personne pût donner de ce phénomène une explication quelconque, il devint notoire que l'argent de poche d'Andrew était toujours au service de ce camarade, qu'Andrew le suivait partout à la piste, et que maintes et maintes fois, Andrew prenait à son compte les punitions corporelles ou autres qu'avait méritées son ami. Lorsque cet ami, quelques années plus tard, fut envoyé dans un collège, Andrew sollicita d'y être envoyé en même temps, et là, plus que jamais, s'attacha au camarade si étrangement choisi qu'il avait adopté dès l'école. Un pareil dévouement aurait touché un cœur doué de la moindre générosité. Il ne fit aucune impression sur l'âme naturellement basse de l'ami d'Andrew. Après 3 années d'intimité au collège, intimité tout égoïsme d'une part, de l'autre tout sacrifice, le dénouement arriva, et les yeux d'Andrew furent cruellement dessillés. Lorsque sa bourse fut restée vide aux mains de ce faux ami, lorsqu'il eut de tous côtés engagé sa signature pour lui venir en aide, celui que son affection avait adopté comme frère, le héros de sa candide admiration, l'abandonna tout à coup aux embarras, au ridicule, à l'isolement, sans un seul mot qui attestât le moindre remords, une simple parole d'adieu. Andrew rentra chez son père, aigri dès le début de la vie. Et là, il fut abreuvé de reproches à l'occasion de ces mêmes dettes contractées pour celui qu'il avait trompé sans pudeur, outragé sans scrupule. Il partit ensuite, disgracié, avec une maigre annuité pour aller voyager loin du toit paternel. Les voyages se prolongèrent et finirent, comme ils font souvent, par une expatriation en règle. La vie qu'il mena, les gens qu'il fréquenta pendant sa longue résidence hors du pays, lui firent un mal irréparable. Quand il revint en Angleterre, ce fut pour y donner le spectacle le plus affligeant, celui d'un homme qui ne croit plus à rien. À ce moment de sa vie, une seule bonne chance d'avenir lui restait, dans l'influence qu'aurait pu acquérir sur lui l'exemple et les conseils de son frère aîné. Ils avaient en effet renoué leur lien d'enfance, lorsque la dispute amenée par le mariage du capitaine Treverton vint tout à coup les rompre à jamais. Dès cet instant, Andrew fut un homme perdu pour la société. Dès ce moment, il ne répondit plus aux dernières instances des amis qui voulaient bien prendre encore intérêt à sa destinée, que par ce raisonnement amer et désespéré. « Mon plus cher ami m'a odieusement trompé. Mon unique frère s'est brouillé avec moi pour l'amour d'une courtisane. Du demeurant de l'humanité, que voulez-vous que j'attende ? Deux fois, pour avoir cru aux autres, j'ai encouru l'expiation la plus rude. Je ne recommencerai pas l'expérience. L'homme sage est celui qui ne dérange pas son cœur des fonctions essentielles de cet organe, destiné uniquement à pomper et distribuer le sang dans tous les organes où il porte la vie. La somme de mon expérience, de celle que j'ai acquise au dehors, de celle qui me vient de ma famille, m'a suffisamment éclairé sur ces illusions de l'existence que les autres hommes prennent pour des réalités, mais qui se sont révélées à moi dans tout leur néant, depuis déjà bien des années. Ici-bas, je n'ai plus qu'à manger, boire, dormir et mourir. Tout le reste est vanité, j'en ai fini avec tout le reste. » Les gens, en bien petit nombre, qui après cette repoussante profession de foi s'enquirent encore de lui, vinrent à savoir, 3 ou 4 ans après le mariage de son frère, qu'il s'était établi à Bayswater. Des renseignements pris sur place, il résulta qu'il avait acheté, sans y regarder autrement, le premier cottage qu'il put trouver bien séparé des autres et bien enclos de murailles. On sut ensuite, et toujours par de vagues rumeurs, qu'il y menait la vie d'un avare en compagnie d'un vieux domestique nommé Shrewl, encore plus misanthrope que son maître. Aucun être vivant, non pas même une ouvrière à la journée accidentellement retenue, ne pénétrait jamais dans la maison. Andrew ne se rasait plus, et son domestique avait ordre de laisser lui aussi pousser sa barbe. En 1844, ceci ne doit pas être perdu de vue, aux yeux de la partie la plus éclairée du peuple anglais, un homme était réputé malsain d'esprit, par ce seul fait qu'il laissait son menton se couvrir des poils que la nature y fait pousser. Maintenant, grâce au progrès, la longue barbe de M. Treverton ne nuirait plus qu'à sa respectabilité. Mais il y a 13 ans, nous l'avons dit, elle passait pour un symptôme d'aberration d'esprit. À cette époque, cependant, ainsi que son agent de change aurait pu l'attester, c'était un de ces hommes de Londres qui s'entendaient le mieux en affaires. Il défendait, au besoin, le mauvais côté de chaque question avec une acuité de sophisme et de sarcasme que lui enviait le docteur Johnson en personne. Il tenait les comptes de sa maison, à un farthing près, dans le meilleur ordre imaginable. Pas le moindre dérangement n'était perceptible dans ses façons d'être, minutieusement observées du matin au soir. Ses yeux attestaient toute la vivacité d'une intelligence en pleine possession d'elle-même. Mais à quoi tant d'avantages pouvait-il servir, mis en balance, dans l'estime de ses voisins, avec sa manière de vivre, qui ne ressemblait en rien à la leur, et avec ce certificat de folie tracé au bas de son visage en caractère velu? La tolérance en matière barbue a fait quelques pas depuis l'époque où nous ramenons nos lecteurs, mais en cette présente année, 1857, malgré les progrès accomplis, y a-t-il dans toute la métropole anglaise un seul commis de banque, assuré de conserver sa place, s'il se permettait de renoncer à l'usage quotidien du rasoir? Le bruit public, déjà calomnieux en ce qui concernait la prétendue insanité de M. Treverton, lui faisait une injustice égale en le représentant comme un avare. Il économisait certainement plus des deux tiers du revenu que lui permit de dépenser sa fortune très rondelette, non par goût de thésauriseur, mais parce qu'il ne jouissait ni du confort ni du luxe que l'argent peut procurer. En bonne justice, il eût fallu tenir compte de ce fait qu'il méprisait sa propre richesse tout autant que celle de ses voisins. Du reste, le bruit public, si erroné dans les déductions au moyen desquelles il essayait de peindre M. Treverton, n'en était pas moins, par exception, très exact quant aux circonstances de sa vie. Il était vrai qu'il avait acheté pour son isolement même le cottage le mieux séparé des autres. Vrai que personne, sous aucun prétexte, n'était admis à en franchir le seuil, et vrai, finalement, qu'il avait trouvé, dans la personne de M. Shrewl, son valet, un antagoniste plus zélé, un contenteur plus âpre de la race humaine, que lui-même il ne l'était. La vie que menaient ensemble ces deux philosophes se rapprochait des conditions de l'existence primitive ou sauvage, autant que peut le permettre l'état actuel de notre société. Une fois reconnue la nécessité de manger et de boire, M. Treverton avait restreint son ambition à se passer le plus possible, tout en se procurant l'indispensable alimentation, de cette race d'hommes qui ont pour industrie de fournir aux besoins corporels d'autrui et qui, sous ce prétexte, les volent abominablement. Grâce à un jardin qu'il mit derrière son habitation, Timon de Londres, cultivant lui-même ses légumes, put se passer de fruitier. S'il eut assez de terrain pour y faire pousser du grain, il est probable qu'il eût été son propre laboureur et son fermier. Du moins, parvint-il à éliminer le meunier et le boulanger en achetant son blé sac par sac, dont il faisait lui-même de la farine, laquelle se métamorphosait en pain entre les mains de Shrewl. D'après le même principe, la viande était achetée à la criée et du nourrisseur lui-même. Le maître et le balai la mangeaient fraîche aussi longtemps que sa conservation le permettait. Puis il salait le reste et en vivait jusqu'à ce qu'elle fût achevée, se passant ainsi de l'inutile intermédiaire qu'on appelle boucher. Pour ce qui est de la boisson, ni brasseur ni cabaretier ne pouvaient se prévaloir d'un seul farthing soustrait à l'escarcelle de M. Treverton. Shrewl et lui se contentaient de bière, et cette bière ils la brassaient eux-mêmes. Ainsi, pourvus de pain, de légumes, de viande et de liqueurs fermentées, nos deux ermites, des temps modernes, parvenaient à se donner cette double satisfaction de se maintenir en vie au-dedans, tandis que les fournisseurs se morfondaient au-dehors. S'ils se nourrissaient comme aux époques primitives, ils avaient adopté à tous autres égards des habitudes non moins fidèlement empruntées à l'état de nature. Ils avaient des marmites, des casseroles, des pots, deux tables de bois blanc, deux chaises, deux vieux sofas, deux pipes courtes et deux manteaux longs. En revanche, pas de repos à heure fixe, point de tapis ni d'oreiller, point d'armoire, point de bibliothèque, point de bric-à-brac d'aucune sorte, point de blanchisseuse, point d'ouvrier quelconque. quand l'un des deux éprouvait le besoin de manger ou de boire, il coupait lui-même son croûton de pain, faisait cuire son morceau de viande, tirait son petit pot de bière, sans importuner l'autre de tous ces détails. Si l'un ou l'autre éprouvait le désir de passer une chemise propre, désir qui ne se manifestait pas très fréquemment, il allait en laver une pour son propre compte. L'un et l'autre s'apercevaient-ils que tel ou tel coin du logis était aussi un peu trop immonde, celui-là prenait un seau d'eau, un balai, puis nettoyait le recoin en question, comme il le fait pour un chenil. Et enfin, quand l'un ou l'autre voulait se livrer au sommeil, il s'enveloppait dans son manteau, s'étendait sur un des canapés et prenait la dose de son repos dont il avait besoin, le matin d'aussi bonne heure et le soir aussi tard que cela lui pouvait convenir. N'avait-il ni à boulanger, ni à brasser, ni à jardiner, ni à nettoyer quelque part, ces deux hommes s'asseyaient en face l'un de l'autre et fumaient des heures entières, le plus souvent sans échanger un seul mot. Que s'ils rompaient le silence, c'était inévitablement pour se quereller. Leur dialogue, le plus ordinaire, était une sorte de lutte comme celle de deux boxeurs qui, après certains témoignages sournois d'une fin de bienveillance, finissent par détériorer de tout cœur la forme que Dieu a donnée à leur visage. Ils commençaient par quelques ironiques compliments et finissaient par s'adresser les invectives les plus violentes. N'ayant pas à lutter, comme son maître, contre les habitudes invétérées d'un certain savoir-vivre, résultat infaillible d'une certaine éducation, Schroll, dans ses duels de langue, avait un avantage marqué. Et au fait, quoique nominalement le domestique, il avait en réalité le gouvernement de ce singulier ménage, ayant acquis sur son maître une influence sans bornes, par cela seul que dans toute direction il s'étudiait à le devancer. La voix de Schroll était la plus aigre des deux. Les dires de Schroll étaient les plus âpres. La barbe de Schroll était la plus longue. Si personne n'avait accusé M. Treverton d'une secrète déférence pour les opinions de son valet, ou d'un secret sentiment de crainte qui le faisait hésiter à le mécontenter, nul doute qu'il n'eût repoussé cette imputation avec toutes sortes de colère et d'amertume. Mais il n'en restait pas moins vrai que Schroll avait la haute main dans la maison et que, sur tout sujet essentiel, sa décision devenait, tôt ou tard, celle de son maître. De toutes les punitions de ce monde, la plus certaine est celle de l'homme qui se targue et se vante n'importe de quoi. M. Treverton faisait sonner bien haut son indépendance absolue. Quand vint le châtiment de cette fanfaronnade, ce châtiment s'incarna dans la personne de Schroll et s'appela de ce doux nom. Un beau matin, environ 3 semaines après que Mrs. Franklin eut écrit à la femme de charge de Porthcanna Tower pour lui annoncer la visite projetée par elle et son mari, M. Treverton descendit, avec sa physionomie la plus aigre et ses façons les plus bourrues, des régions supérieures de son cottage à l'une des chambres du rez-de-chaussée, celle que des hommes encore adonnés aux misères de la vie civilisée eussent probablement appelée un salon. C'était, comme son frère aîné, un homme de haute taille et fort bien fait. Mais sa figure osseuse, sombre et rabagée, n'avait pas la moindre ressemblance avec les traits réguliers, ouverts et hâlés de notre brave capitaine. Personne, les voyant à côté l'un de l'autre, n'aurait deviné qu'ils étaient frères, tant leur physionomie différait aussi bien que leurs traits. Les souffrances de cœur qu'il avait endurées dans son jeune âge, la vie errante, dissipée, abandonnée, qu'il avait menée pendant sa maturité, les désappointements, les colères, l'épuisement de ces dernières années, avaient si bien fatigué, si complètement usé Andrew Treverton, qu'on aurait pu lui donner au moins 20 ans de plus qu'à son frère. Avec ses cheveux incultes, sa figure peu lavée, sa barbe grise aux flocons emmêlés, et la vieille robe de chambre en flanelle, sale et rapiécée, qui pendait autour de lui comme un sac informe, ce descendant d'une riche et ancienne famille avait tout l'air d'être né dans une maison de travail et d'exercer, pour tout métier, celui des marchands de vieux habits. L'heure du déjeuner avait sonné pour M. Treverton, c'est-à-dire que l'heure était venue où il se sentait assez affamé pour songer à manger quelque chose. Sur la cheminée, à cette même place qu'eût occupée une glace dans toute maison à peu près meublée, Un épais morceau de lard pendait dans le cottage de Timon de Londres. Sur la table de bois blanc placée près du feu, un énorme pain, grossier et brun. Dans un coin de la pièce, un baril de bière. Au-dessus, deux pots d'étain bosselés, pendus à des clous fichés dans le mur. Au-dessous de la grille à feu, gisait un vieux grill enfumé, abandonné là, selon toute apparence, après avoir servi, par quelqu'un qui n'avait pas pris la peine de le remettre en place. M. Treverton sortit de la poche de sa robe de chambre un couteau à ressort mal essuyé, coupa une tranche de lard, établit, tant bien que mal, le grill sur le feu, et se mit à faire cuire son déjeuner. Il venait justement de retourner le lard à point d'un côté quand la porte s'ouvrit, et Shrewl entra, la pipe à la bouche, attiré justement par la même préoccupation culinaire à laquelle son maître avait obéi. Shrewl était un petit homme, d'un embonpoint flasque et complètement chauve, sauf une rangée de cheveux gris de fer qui se hérissait autour de son occiput comme les pointes d'un collier mal attaché. Par compensation à la rareté de sa chevelure, sa barbe, que sur l'ordre de son maître il laissait pousser, empiétait singulièrement sur sa poitrine en deux points inégales. Il portait un très vieil habit de luxe à longue basque, merveilleuse occasion rencontrée dans Petticoat Lane, une chemise d'un jaune pâle à laquelle pendaient les débris d'un jabot, des pantalons de velours trop longs retroussés à la hauteur de l'orteil et enfin des bottes à la Blücher qui jamais n'avaient été cirées depuis le jour où ils avaient quitté l'échoppe du cordonnier envieux. Son teint était d'une vivacité malsaine, ses grosses lèvres, rebroussant par les coins, exprimaient une ironie malveillante. Et ses yeux, par leur forme et leur expression, se rapprochaient de ceux d'un basset, autant que puissent se le permettre des yeux enchâssés dans une face humaine. Un peintre quelconque, chargé de rendre la force unie à l'insolence, à la laideur, à la grossièreté, à la ruse, dans la physionomie d'un seul et même individu, n'aurait pu, fouillant le monde entier, découvrir un modèle plus accompli que M. Shrewl. À première vue, ni le maître ni le valet ne songèrent à se parler, non plus qu'à se prêter l'un à l'autre la moindre attention. Shrewl, les mains dans ses poches, demeurait dans une nonchalante contemplation, attendant que le grill fût inoccupé. M. Treverton paracheva sa cuisine, posa son morceau de lard sur la table, et se taillant une tranche de pain, se mit à déjeuner. Après la première bouchée seulement, il condescendit à lever les yeux sur Shrewl, qui, dans ce moment là même, ouvrant son couteau, se hissait jusqu'au lard, le long duquel erraient ses regards endormis et avides. « Que signifie ceci ?» demanda M. Treverton avec un accent indigné, et montrant du doigt la poitrine de son serviteur. « Comment, vilaine brute, vous avez mis une chemise blanche ?»« Vraiment charmé, monsieur, que vous y ayez pris garde. » répondit Shrewl avec une railleuse affectation d'excessive humilité. L'occasion l'exigeait certainement. Je ne pouvais pas moins faire pour le jour de naissance de mon maître que de changer de chemise. Bonne et heureuse, monsieur, et accompagnée de beaucoup d'autres. Peut-être vous imaginiez-vous que cette journée passerait inaperçue. Dieu vous soit en aide, mon généreux maître. Ce n'est pas moi qui laisserai pareil anniversaire en oubli. Quel âge avez-vous maintenant, monsieur ? Ce n'est pas précisément hier, monsieur, que vous étiez un gros marmot souriant, une collerette sous le menton, des billes dans vos poches, gilet et culotte du même morceau, et recevant de papa et de maman, d'oncle et de tante, force baisers et force caresses, le jour de votre naissance. N'ayez point peur, cependant, que j'use cette chemise à force de la blanchir, non. Je la mettrai dans un tiroir, avec force lavande, jusqu'à votre prochain anniversaire, ou du moins jusqu'à votre enterrement. Si ce dernier précède l'autre, ce qui n'a rien d'absolument impossible, à votre âge, songez-y donc. Ne vous mettez pas en peine d'une chemise propre pour le jour de mon enterrement, repartit M. Treverton. Je ne vous ai pas couché sur mon testament, honnête Shrewl. Quand je m'en irai vers ma fosse, vous serez en route vers la maison de travail. Est-ce que, bien réellement, vous avez fini par accoucher de votre testament ? Demanda Shrewl, l'arrêtant comme dominé par un grand intérêt. au moment de détacher son morceau de lard. « Je vous demande bien humblement pardon, mais je m'étais toujours imaginé que vous aviez peur de le faire. » C'était évidemment à dessein que le serviteur avait abordé cette question palpitante. Monsieur Trevorton, atteint au vif, écrasa sur la table son morceau de pain et jeta sur Shrowl un regard irrité. « Peur de tester, moi, imbécile. Si je ne fais pas mon testament, et mon intention est de ne pas le faire, c'est par principe et non par aucune crainte. » Shrowl se mit à scier sa tranche de lard et à siffler en même temps un petit air. « Oui, par principe, » répéta M. Trevorton. « Les riches qui laissent de l'argent après eux sont autant de cultivateurs qui fument le riche terrain de la méchanceté humaine. Lorsqu'un homme conserve en lui quelque étincelle de générosité, voulez-vous la lui ravir? Faites-en votre légataire. S'il vous faut réunir un groupe d'hommes appelés à perpétuer, sur une large échelle, la corruption et l'oppression traditionnelles, créez par testament une dotation qu'ils seront chargés d'administrer. » Désirez-vous procurer à une femme la plus sûre chance qu'il y ait au monde de tomber sur un méchant mari? Léguez-lui une fortune. S'agit-il de vouer les jeunes gens à la perdition, ou de faire des vieillards autant de buts aimantés, où viennent adhérer d'eux-mêmes les plus vils éléments de l'humaine nature? S'agit-il d'armer les uns contre les autres parents et enfants, mariés et femmes, frères et sœurs? Laissez-leur votre argent. Testez, moi. J'ai pour mon espèce une antipathie prononcée, Shrowl, mais je n'en suis pas encore arrivé à haïr assez mes semblables pour jeter parmi eux un pareil brandon. » Terminant par ces mots sa violente diatribe, M. Trevorton décrocha du mur un des pots d'étain bosselés et s'administra par voie de rafraîchissement une pleine pinte de bière. Shrowl établit son grill en bonne place sur les charbons incandescents et sans répondre autrement, exprima par une grimace ironique les doutes de son esprit rebelle. « À qui diable voulez-vous que je laisse mon argent ?» s'écria M. Trevorton, qui comprenait à demi-mot. « À mon frère, qui maintenant me croit complètement abruti, et me tiendrait alors pour tout à fait insensé. À mon frère qui d'ailleurs encouragerait les plus frauduleuses manœuvres, en distribuant toute ma fortune à des princesses de théâtre, à des comédiens errants, ou bien sera-ce à l'enfant de l'actrice, à cet enfant que je n'ai jamais vu, qu'on a instruit à me haïr et qui, dès le lendemain, hypocrite par décence, ferait semblant de pleurer ma mort? Ou encore à vous, n'est-ce pas, espèce de babouin fait homme, à vous qui monteriez tout aussitôt un bureau d'usure, et vous engraisseriez aux dépens de la veuve, de l'orphelin, des malheureux, tant que vous en trouveriez à dévorer. Portez-vous bien, monsieur Shrowl. Je puis m'égayer tout comme vous. Et c'est surtout en songeant que je ne vous léguerai pas une pièce de sixpence. » Ce fut au tour de Shrowl de se sentir atteint. La servilité railleuse qu'il avait affectée en entrant fit place aux manières bourrues qui lui étaient habituelles, et, avec cette espèce de grognement dont la nature l'avait pourvu en guise de voix, « Finirez-vous par me laisser tranquille, » dit-il, s'asseyant devant son repas d'un air mécontent. « J'ai assez plaisanté ce matin, et je suppose vous en êtes là vous aussi. Que sert de bavarder ainsi à propos de votre argent? Il vous faudra bien le laisser à quelqu'un. » « Certainement, » dit M. Trevorton. « Je le laisserai, je vous l'ai dit assez souvent déjà. » Au premier venu, que je saurai n'y attacher aucun prix, et qui par conséquent n'en deviendra pas, pour se trouver riche tout à coup, plus mauvais qu'il n'était déjà. Autant dire personne, grommela Shrowl. C'est aussi ce que je pense, répondit son maître. Mais vous ne pouvez pas n'avoir pas d'héritier, insista Shrowl. Il faudra que votre propriété passe à quelqu'un. Bon gré mal gré, il le faudra. Croyez-vous? Dit M. Trevorton. Je pense au contraire que j'en peux disposer à mon plaisir. Je peux la convertir tout entière en banknotes et faire 10 sous, avant de mourir, un beau feu de joie dans notre appareil à brasser. Je sortirai alors de ce bas monde, bien convaincu que je n'y laisse pas derrière moi de quoi le rendre plus méchant qu'il n'est. Pensée consolante, je vous assure. Avant que Shrowl eût pu riposter d'un seul mot, on entendit vibrer la sonnette placée à la porte du cottage. « Allez, dit impérieusement M. Treverton. « Allez voir qui ce peut être. Si c'est une visite femelle, il suffira de votre face d'épouvantail pour la mettre en fuite. Si c'est une visite mâle... »« Si c'est un homme, » interrompit Shrowl, « je lui donnerai mon poing sur le nez pour lui apprendre à me déranger quand je déjeune. » Pendant l'absence de son domestique, M. Treverton garnit et alluma sa pipe. Le tabac n'avait pas tout à fait pris lorsque Shrowl rentra. Le visiteur, dit-il, était un homme. « Lui avez-vous donné du poing par le nez ?» demanda aussitôt M. Treverton. « Non, » répondit Shrowl. « J'ai ramassé la lettre qu'il me glissait par-dessous la porte, et il est parti sans demander son reste. Voici le poulet. » La lettre était écrite sur papier ministre, et l'adresse tracée en grosses rondes, comme le sont les documents légaux. Au moment où M. Treverton rompit l'enveloppe, il en tomba deux bouts de papier imprimés, détachés de quelque journal. L'un tomba sur la table devant laquelle il était assis, l'autre descendit en voletant sur le parquet. Shrowl ramassa celui-ci et en examina le contenu sans se donner la peine d'en demander la permission. Après avoir longuement aspiré une bouffée de tabac et l'avoir expiré tout aussi longuement, M. Treverton commença la lecture de l'épître. Dès que ses yeux eurent parcouru les premières lignes, ses lèvres commencèrent autour du tuyau de sa pipe un travail assez inusité. Il n'y avait pas de feuille à tourner, la lettre, assez laconique, finissant au bas de la première page. Il lut jusqu'à la signature, examina de nouveau la suscription et parcourut pour la seconde fois, d'un bout à l'autre, ce document qui semblait l'intéresser. Ses lèvres continuaient à travailler autour de l'embouchure de sa pipe, mais au total, il ne fumait plus. Quand sa seconde lecture fut achevée, il posa tout doucement la lettre sur sa table, regarda son domestique avec une distraction inaccoutumée, et sa main tremblait quelque peu lorsqu'il retira sa pipe de sa bouche. « Shrowl, » dit-il fort tranquillement, « mon frère s'est noyé. »« Je le sais, » répondit Shrowl, sans lever les yeux du fragment imprimé. « Je lisais justement ce qu'on en dit dans le journal. » « Le jour où nous nous querellâmes au sujet de sa comédienne, » continua M. Treverton, se parlant à lui-même pour le moins autant qu'à son serviteur, « ses dernières paroles furent que je mourrais sans avoir au cœur la moindre sympathie pour n'importe quel être vivant. »« Et il leur a dit juste, » murmura Shrowl, qui regardait au dos de son lambeau de journal pour voir s'il n'y avait pas par hasard quelques renseignements supplémentaires. « Je ne sais trop ce que, au moment de sa mort, il aura pu penser de moi, » dit M. Treverton, reprenant en main la lettre qu'il venait de déposer sur la table. « Il n'aura pas perdu son temps à penser à vous ni à personne, » remarqua Shrowl. « S'il pensait à quelque chose, c'était à se tirer d'affaire. » « Et quand il n'a plus pensé à ceci, du diable soit s'il a eu la moindre pensée, il était mort, et bien mort. » Ayant ainsi fait connaître sa manière de voir, M. Shrowl se dirigea vers le baril de bière et en tira sa boisson du matin. « Au diable, la comédienne !» murmura M. Treverton. Comme il articulait cette malédiction, sa figure devint plus sombre, et ses lèvres se serrèrent l'une contre l'autre. Il déplissa lentement la lettre étalée sur la table. Il semblait qu'il ne fût pas bien au fait de ce qu'elle lui avait appris, qu'il y cherchât un sens nouveau, jusqu'alors impénétré, qu'il y supposa autre chose que ce qu'elle renfermait au premier coup d'œil. Reprenant pour la troisième fois cette lecture, il la fit à voix haute et très lentement, comme pour graver séparément dans sa mémoire chacun des mots qu'il prononçait ainsi. « Monsieur, à titre d'ancien consultant et fidèle ami de votre famille, Mrs. Frankland, née Treverton, désire que je vous transmette la triste nouvelle du décès de votre frère. Ce déplorable événement a eu lieu à bord du navire qu'il commandait pendant un ouragan qui avait poussé ce navire sur un banc de rocher en avant d'Antigua. Vous trouverez s'y inclus un récit détaillé du naufrage, extrait du Times. Il vous dira que votre frère a noblement péri dans l'accomplissement de ses devoirs envers son état-major et son équipage. Je vous envoie aussi extrait d'un journal du Cornouailles, renfermant sur le défunt une notice nécrologique. Avant de clore cette communication, je dois ajouter que malgré les recherches les plus assidues, on n'a pas trouvé de testament parmi les papiers de feu le capitaine Treverton. Il avait disposé, comme vous le savez, de Porthgenna. Il ne lui restait donc plus, au moment de son décès, que sa fortune mobilière provenant de la vente de ce domaine. Celle-ci, par suite de sa mort à Bintestat, échoua légalement à sa fille, la plus proche héritière du sang. Je suis, monsieur, votre très obéissant serviteur, Alexander Nixon. Le bout de papier tombé sur la table renfermait l'extrait du Times. Celui du journal de Cornouailles, que Shrowl avait ramassé sur le parquet, fut poussé par lui, dans un accès de déférence passagère, sous les yeux de son maître, aussitôt après qu'il en eut pris lecture. M. Treverton ne s'inquiéta ni de l'un ni de l'autre. Il demeurait assis, les yeux toujours arrêtés sur la lettre, même après l'avoir lue à trois reprises. « Pourquoi ne donnez-vous pas un coup d'œil à la page imprimée aussi bien qu'à la feuille écrite ?» demanda Shrowl. « Pourquoi ne voulez-vous pas savoir quel grand homme c'était que votre frère, et quelle noble vie il amenait, et quelle fille admirablement belle il a laissée après lui, et quel admirable mariage elle a fait justement avec le propriétaire de votre domaine de famille ?»« Ce n'est pas elle, toujours, qui a besoin de votre argent. La tempête cachetée sur les rochers où il s'est perdu corps et bien, le vaisseau commandé par son père, a insoufflé dans son giron 40 bonnes 1000 livres sterling. Pourquoi ne lisez-vous pas tout ceci? Elle et son mari possèdent en Cornouailles une bien plus belle maison que celle où vous logez ici. Cela ne vous fait-il pas plaisir? Ils étaient sur le point de faire réparer l'établissement, et de fond en comble, pour déterminer votre frère à venir y vivre avec eux, en pleine liesse, dès qu'il aurait quitté le service. Qui donc se mettrait ainsi en frais pour vous attirer? Faut-il croire que votre nièce vous ferait place dans le vieux manoir maintenant, si vous alliez, en grande toilette, l'en solliciter? » Après cette dernière question, Shrowl s'arrêta dans son petit travail agressif, non pas faute d'avoir à dire, mais parce que rien ne le conviait à continuer. Pour la première fois depuis qu'ils faisaient ménage ensemble, il avait essayé, sans y réussir, de fâcher son maître. M. Treverton l'écoutait, ou faisait semblant, sans qu'un muscle remuât sur son visage, qui gardait une invariable expression. La seule parole qu'il prononça lorsque Shrowl eut fini fut celle-ci. « Sortez !» Shrowl n'était pas homme à s'émouvoir facilement, mais il changea de couleur quand il entendit cet ordre inouï et qui n'admettait pas d'hésitation. Après avoir mené son maître par le bout du nez, depuis qu'il était entré dans la maison, pouvait-il en croire ses oreilles quand il s'entendait mettre à la porte avec aussi peu de cérémonie? « Sortez !» répéta M. Treverton. « Et une fois pour toutes, bouche close sur le compte de mon frère et de ma nièce. Je n'ai jamais jeté les yeux sur la fille de la comédienne, et il en sera de même à l'avenir. Taisez-vous, laissez-moi en repos, sortez !»« Je te revaudrai ceci !» pensait Shrowl, quittant la chambre sans se trop hâter. Lorsqu'il eut fermé la porte, il prêta l'oreille et entendit M. Treverton, qui venait de repousser sa chaise, se promener de long en large en se parlant à lui-même. Des propos confus qui lui échappaient ainsi, Shrowl tira cette conclusion qu'il se préoccupait encore de la comédienne qui les avait brouillés, lui et son frère. Il semblait trouver une sorte de cruel soulagement à traduire le mécontentement qu'il éprouvait de sa propre conduite après la mort de son frère, en amères invectives contre la mémoire de la femme qu'il avait naguère si bien haï, et contre la fille qui perpétuait ce souvenir odieux. Après quelque temps, les accents grondeurs de sa voix s'éteignirent tout à coup. Shrowl, l'épiant par le trou de la serrure, le vit qui lisait les fragments de journaux où se trouvaient et les détails du naufrage et la notice biographique consacrée à son frère. Ce dernier document faisait allusion à quelques-unes de ces particularités dont le ministre de langue Beckley avait entretenu son hôte et que le lecteur connaît déjà. L'auteur de la notice la terminait en exprimant l'espérance que la perte cruelle subie par M. et Mrs. Frankland ne les empêcherait point de donner suite à leur projet de réparer Porthgenna Tower, puisque déjà ils avaient envoyé un entrepreneur étudier en détail les travaux à y faire. Dans la rédaction de ce paragraphe, il parut se trouver quelques passages qui reportèrent M. Treverton au temps de sa jeunesse, où le vieux manoir possédé par sa famille était aussi sa demeure. Il murmura quelques mots qui avaient trait à des jours écoulés pour jamais. il se leva brusquement de sa chaise où il s'était rassis, jeta dans le feu les deux bouts de papier, les regarda brûler attentivement, et soupira lorsque leurs débris noirâtres, légers comme des fils de la Vierge, furent entraînés par le courant d'air et disparurent dans le tuyau de la cheminée. Le bruit de ce soupir, frappant l'oreille de Shrowl, le fit tressaillir comme la détonation subite d'un pistolet eût fait tressaillir un autre homme. Ses petits yeux de basset s'ouvrirent démesurément, et quand il s'éloigna de la porte, il branlait la tête, comme un augure d'autrefois devant les signes précurseurs de l'avenir.